rituels, on trompe les femelles. Comment se dire je t'aime quand la haine s'en mêle. Je fais mine de rien comprendre pour qu'il y ait pas quiproquo qui prend quoi. En évitant bien sûr les qui fait quoi, ce qui fait que, ce qui fait que. Je veux pas me prendre la tête, juste poser ma tête sur le coussin, on se touche sous la couette. Les femmes sont belles, sont que belles. Dieu nous pardonne. J'aime l'amour, mais ma haine baisse par tonne. La confiance n'exclut pas le contrôle. Quand on aime, l'être aimé ne passe pas au second rôle. Souvent le rôle du méchant quand ça s'énerve. On récolte ce que l'on sème quand on contrôle mal ses nerfs. Paraît qu'on s'aime mal lorsqu'on est mal aimé. J'ai du mal à dire je t'aime, mais y'a pas de mal à aimer. C'est pour celles qui pensent à moi comme moi, j'y pense plus. Je fais du bien autour de moi pour que le mal ne passe plus. Rapper c'est la santé, les coups de rein aussi. Je vais rehausser le niveau, mon flow est rarissime. Soit y'a pas de malaise, que des mecs balèzes ou pas. Ils se demanderont mis si tu baisses ou pas. Que ça plaise ou pas, soir faut qu'on se mette bien. Si tu sois à l'aise ou pas, soir le son pète bien. J'ai autant de haine que d'amour à vendre. Chuchoterai à l'oreille, chérie, cherche pas à voir ce que je vends. Mais ce que je veux en revanche, c'est me la faire belle. Me barrer avec ma belle messagerie quand t'appelles. Je suis comme un oiseau qui fait son nid, je peux pas nier. Inutile de sucer MC, je vais pas t'épargner. Des faces par milliers, non pas par centaines. Dans le rap, les MC se perdent comme un rap sans thème. Le thème de ce rap en l'occurrence, c'est number one, Dawa au mic, le best fuck la concurrence. Number one.